Certitudes passagères sont dans l'incertitude. Quand y a pas sa tienne, le désastre dure. L'instable se gère, on est hors sujet en jouant le dur. On contrôle sa gêne dans les bars en criant à la tienne. Quand y a plus sa femme, on déballe sa haine comme Bertrand Cantat. Entre ce que l'on sent, ce que l'on pense, il y a un contraste au contact, une constante désinvolture. On se contente de seins de voiture, on se perd dans les draps en quête de drôles de posture. Au lait d'art postule et le d'art postdoux. On aime l'aventure comme l'enfant tue l'habitude. Les certitudes passagères, on ne tient que des mots quand on serre les autres. Les certitudes passagères, on ne tient que des mots quand on serre les autres. Les certitudes passagères, on ne tient que des mots quand on serre les autres. Les certitudes passagères, on ne tient que des mots quand on serre les autres. S'il y a une femme aux alentours, on se dit qu'on a un homme avant tout. On la mystifie comme un marabout infâme, on l'étudie, elle est bonne pour le marathon. On se baratant, direction, pays du baratin, où gère mal le budget du mal. Au début, pour une catin, on a du mal à sortir bail. Hôtel 4 étoiles, on se prélasse dans la soie. Non loin de là, une fille est dans les larmes. L'homme est un chacal avec le colt à la place du cal. Lorsqu'il trouve une désir, il désire qu'elle le cale. Le gars, c'est le prédateur qui a la dalle. Comme l'alcool, puis prend du grade, plus c'est l'escalade. D'une gare, il garde le regard d'une garce, mais tout lui échappe. Sa charme en femme lui parle de séparation légale. La vie, un livre où l'on voit le rouge et le noir comme Stendhal. Parfois on délire, parfois on est en stand-by. Parfois on bafoue la foi avec peu de détails. Putain de certitude passagère. Celle-ci, c'est pour les ménagères, les célibataires, les rabataires.